chansonnette, bien pointer le bout de son nez, en fredonnant dans ma tête quelques mots pour commencer. Je prends papier et crayon, et j'écoute au fond de moi le début d'une chanson qui vient à passer par là. Seras-tu triste ou gai, au gai vogue la galère? Tu vas encore me faire pleurer, pleurer de rire ou de colère? Badine, et je vais me laisser porter comme au fond de l'eau la sardine quand le filet vient de la pêcher. Mais quelle idée retenir pour amuser la galerie? Il y a des sujets à bannir, il y a des sujets interdits. Faut pas parler du tabac, de l'alcool et du pétard. La masturbation, papa, faut la laisser dans le placard. Si je parlais religion, c'est un sujet bien polémique. J'ai le courage de mes opinions, mais ce serait pas très catholique. Si j'abordais la politique, je tomberais vite dans les clichés. J'ai un penchant pour l'anarchique, un pouvoir de la liberté. Alors je vais me laisser tenter par un sujet bien quotidien. Je vais chanter l'amour et ses dangers, chanter l'amour et ses chagrins. Mais c'est un sujet bien banal. Je ne sais si je pourrais me raconter là où j'ai mal et me retenir de pleurer. Car l'amour ça va et ça vient, mais quand il te laisse tomber, quand tu sens que t'es moins que rien, c'est pas facile à balancer. Mais je vais pas le baisser les bras et je vais surtout bien m'accrocher. Car si mon amour n'est plus là, je peux toujours le chanter. Chanter pour exorciser, chanter pour une émotion, simplement la partager dans le plaisir d'une chanson. Hey.